qui un tabac bon, excusez-moi, les archives folkloriques. Oh, arrête de faire ça, hein? Ah, t'en vas là où il y a des grands escaliers, là, puis juste à côté, là, il y a une porte, puis tu passes là, puis tu vas avec quelqu'un d'autre rendu là-bas, mais c'est dans ce coin-là. Ok, c'est merci. Au bout, là. Ici, là. Attends, dans le même sens que toi, au moins 4-5 rues d'ici. Ouais. On peut-tu y aller, on a-tu le droit d'y aller? Ouais. Si on va aller à Québec, là, t'as le droit de comprendre. La violette. Ouais. Vous allez rencontrer la violette. Dans le même sens que ça. Et mais je pense. Vous allez voir la cathédrale. Okay. Et le point de Royal et bonne aventure. Va falloir que vous fassiez un, deux, trois, quatre. Chercher des poches de ceux qui ont bien des millions, de ceux qui gagnent des millions. Pourquoi ils vont pas chercher ça là-dedans, puis laisse pas le pauvre monde tranquille un peu. qu'on m'amène ma perruque. Guylaine, qu'est-ce que t'avais écrit, là? Qu'on m'amène ma perruque. C'est parce qu'on n'a pas de perruque. Qu'on m'amène mes cheveux. C'est parce que Monsieur Grenier... Oui? On vous les a coupés. On a coupé du budget encore à Errance Rénaldienne. Ça passe pas, ça, c'est... Il n'y a aucune possibilité de nos retours. On pourrait vous les coller. Oh, mon Dieu, coller du budget. Non, vos cheveux. Oh, Guylaine, coller mes cheveux, un par un. On pourrait faire ça par moton. Ah, moton, que ça, on va passer droit sur cette vision des choses. Comment ça? Ben si, imaginez-vous, collez des motons de cheveux sur une belle tête comme la mienne. Monsieur Grenier? Oui? On parle de la vôtre. Ben oui, juste ben, une belle tête comme la mienne. Pourriez-vous enlever... Le qualificatif. C'est qualifié, hein? Adjectif. Qualificatif. ça commence. Adjectif, qualificatif, qualificatif. Hey, ça fait des années que je n'ai pas dit ça. Adjectif qualificatif. Qui qualifie qualificatif. Eh, monsieur. Ça va bien, monsieur. Combien il colle? Les cheveux amèneront pas les neurones. Oui. Je sais pas, moi, là, c'est peut-être la colle de perruque, la colle de cheveux. Ah, mon Dieu! Ça, il va falloir attendre après l'école. Pourquoi? Ben, qu'est-ce que t'allais dire? On va arrêter ici. Ben non, on peut pas arrêter, on commence. Ah, mais on va commencer ici. Ben, OK, d'accord. Alors, qu'on m'amène ma perruque? Monsieur Grenier? Oui! C'est parce qu'on n'a pas de perruque. Ben voyons, c'est pas indiqué sur le scénario. Monsieur Grenier? Oui? Il n'y a pas de scénario. Hein? Voyons. La feuille, ici, là. Regardez ici la feuille. Monsieur Grenier? Hey, tu commences à me qualifier le qualificatif, vous? C'est parce qu'il n'y a pas de feuille. Ben voyons, y a-t-il un micro? Monsieur Grenier? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de micro. Y a-t-il une émission de radio? Je ne pige point, Monsieur Grenier. Piger, on est mort. On va commencer par comprendre avant de piger. Non, c'est le verbe puiger. Dirais-tu ce mot-là, ouais? Je ne pige point. OK, c'est le verbe piger. Ah, mon Dieu, je pensais piger. Ah, mon Dieu. Monsieur le Président. Alors, allons-nous coller? Ah. Une à une, on collera tes cheveux. Une à une, un cheveu. Un, on collerait. Je sais pas pourquoi tu fais un. Parce que c'est un H muet. Mais il n'y a pas de H dans un à un. Dans ma vision des choses, il y en a un. Mais là, ta vision, on veut rien savoir. C'est dans la vérité. Ah oui, c'est vrai, la vérité absolue. Dissolue. Ça, là, c'est une bonne idée de dissoudre cette vision, cette réalité. Est-ce qu'on peut mettre deux glaçons également? Oui. Doit-on touiller? Oh, comme je suis un entouille, touillons. OK, Germaine, si tu veux touiller. Hey, j'ai pas juste ça à faire, là. La perruque, touiller, coller, la colle. Normalement, quand on dit coller la colle, y a quelque chose de visqueux et de cimenté qui devrait faire son apparition parce que y a pas autre chose dans la colle. Ah, je sais qu'on essaie de m'avoir. On veut me poser une colle. Ah, mon Dieu. Est-ce qu'on peut la faire reposer ici, là, sur le plancher froid? Ça risque de la réveiller et comme ça, lui donner des chaos d'intelligence. Ben là, des chaos et peut-être... Il y a eu le Big Bang. Oui, aïe, aïe, donc. Hein? Et quand j'ai glissé, j'allais dire un blasphème, quand j'ai glissé sur la moquette. Ah, mon Dieu. On te dit, enlève tes bas. Premièrement, là, je ne suis jamais... Là, c'est la première et la dernière fois que je suis premièrement. OK. On prend ça en note. Premièrement, à quelle minute de... À 16 minutes de l'émission. OK, allez-y. Premièrement, je me suis jamais... Et là, attention, je me suis jamais présenté pieds nus plus que 2 minutes dans mon existence. Oh! À part quand je prenais ma douche... Quand je prends ma douche, encore au présent. C'est du présent, j'espère, pour les autres. Et mon bain, ça fait des années que je n'ai pas pris mon bain. Cynthia, trouves-tu que ça sent la... Ouais, ça sent les reins. Ça sent l'insignifiance. Ah, mon Dieu. Mais après je ne pige point, M. Grenier. Oui, mais attendez, là. L'errance rénaldienne se dessine. Ouais, mais c'est des barbeaux là-dessus, là. Est-ce qu'il se prend pour Piccolo? Non, c'est pas Piccolo, mon cher monsieur, c'est Picasso. Ben, Piccolo, Picasso, pas Picasso, Picasso, Picasso. Hey! Tu vas pas remettre en question ma culture? On va. On n'ose pas parce que ça risque de durer des années et des années. Ben, moi, j'ai écouté, mon cher monsieur, là. Je suis allé à l'école de la vie. Ouais. Mais je ne sais pas dans quelle direction, mais moi, je vous conseille à gauche. Hein. Plus vous tournez à gauche, plus la connaissance réside dans cette vision extraordinaire. Ah, bon, la droite. Ah, ça, non. Ça, c'est une coupure de la réalité. Ah, l'extrême droite. Ah, ça. Je peux même pas en parler ici parce que ça va à l'encontre de toute notre compréhension de la vie et de ce que l'on veut propulser comme idéologie. Hey, c'est bien dit. Merci, madame. N'essayez pas ça à la maison. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques et cathodiques, ceux qui sont devant leur écran, je comprends pas, moi non plus. Mesdames les voluptés, j'allais dire les pas trop voluptés, quoique. Les voluptés. Et vous, chers résidents et résidentes, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici, pour un temps illimité, comme son cervelet, le pitre qui change les chapitres diégétiques. Est-ce qu'on l'a mentionné ici avant ça, là? C'est lui qui a venu une émission. Non, on l'a pas. La seule émission où l'animateur, oui. L'animal. Oh, c'est beau, hein? Merci. Bravo, merci. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Beau moment instrumental, monsieur Grenier, on vous applaudit. Beau moment. Couchez tranquille. Lèche la patte. Bravo. Est-ce que c'est un rappel? Non. Rendormez-vous, monsieur. Non, c'est par gentillesse. Bravo. Pourquoi vous applaudissez tant? Ben, c'est le triomphe. Oh, un rappel! Oh non, c'est bon. Qui télécharge mes émissions? Pas d'applaudissements, s'il vous plaît. La Gestapause, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. À quoi vont faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Ensuite de ça, comment? Oui, ça va très bien, merci. Ben, j'ai pas posé la question. Non, j'y réponds avant. Vous en ramez un coup. Ah, vous le sentez? Ben, oui. Sur le lac de la connaissance, je vois un filet de rameaux. Non, c'est pas des rameaux, c'est des rames. Oh, enlevez le mot. Oh, mais si j'enlève le mot, il ne reste plus grand-chose. Ouais. Ben, rajoutez-le, rameau. Mais c'est pas un rameau, c'est une rame. Ben oui, mais vous avez dit rajouter le mot rameau. Oh. J'ai presque compris. Moi, là, je suis dans un nid. Je ne piège point, M. Grenier. Non, c'est certain. C'est comme un gouffre de connaissances. Ah, bienvenue à l'émission, à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. J'ai une bulle coincée dans le loin. Pardon? J'ai rien dit. Mais c'est qu'est-ce qui a parlé? Qui a parlé? Ah, c'est ma bouche. Ma bouche me parle, mais je réponds jamais. Oh, et votre oreille? Malheureusement, mes oreilles entendent, ma bouche amène des sons étranges. Et mon nez. Oh, qu'est-ce qui se passe avec le nez? Gazouille. Oh! Non. Alors, l'errance rénale. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui, le vendredi 27 janvier 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Hey, ça, c'est plaisant de savoir là, que nous sommes une communauté. Quelle communauté? Des adhérents, oui. Et tout le public se trouve derrière leur radio. Et normalement, leurs oreilles greffées après leur tête. Ça dépend, là. J'ai dit à Evelyne. Oh, pas la belle Evelyne. Evelyne! Là, elle répond jamais, elle, là. Parce qu'elle a les oreilles dans le front, elle. Ah, ben comment ça? Elle s'est faite greffer tout ça la semaine dernière. Oh, ben voyons! Ben oui. Le temps des fêtes a été pour elle extrêmement difficile. Pourquoi? Comment ça? Et son copain n'arrêtait pas de lui susurrer à l'oreille. Je t'aime. C'est des nouveaux amoureux. T'sais, ils n'ont pas grand discours au début. C'est « je t'aime ». Pis... ça s'embrade. Ça se mordit l'oreille. Elle m'a donné le nuire à le bol. Elle a vécu ça avec son dernier, là, Jean-Loup. Pas le Jean-Loup Banami. Jean-Loup Banami, qui n'arrêtait pas lui de susurrer des mots à l'oreille, de mordiller l'oreille. Elle m'a donné le prix des nerfs la semaine dernière. Elle était voir son chien, là. Oui. Ah, il n'échappait pas. Non. C'est pas écrit dans le scénario. Non, il jappait pas. Mais c'est un esthéticien. Non. Non, son esthéticien. Oui. Son médecin pour refaire tout la façade. Oh, l'esthéticien. Bon, OK, mais tu aurais dit. Tu vas cracher dans le micro, ça va faire des courts-circuits. Alors, donc, c'est ça. Puis là, elle lui a dit, moi, là, je suis avec un colleux, un rat colleux, une espèce de ici, on appelle ça un têteux. Oh, il tête? Il tête la... il tête l'oreille, mais surtout en bas de l'oreille, c'est quoi? C'est l'éponge. Il tête l'éponge. T'appelles ça, Louis? Ben oui, c'est une petite éponge. Touche. Ouing, ouing, ouing. Hein, ça fait... c'est étrange, toi, hein? Ben oui. Tout est étrange chez moi. Tout le monde le sait, OK? Mais, excusez-moi, ça, c'est un moment de tristesse profonde. Donc, c'est ça. Elle en avait un ras-le-bol, puis elle avait vécu avec son ex les problèmes techniques. Donc, elle s'est dit, elle était voir elle lui a demandé, greffez-moi mes deux oreilles dans le front. Là, quand il va aller à côté de mon visage, là, il va se rendre compte qu'il n'y a plus d'oreilles, puis j'entendrai rien, puis il ne mordra pas le haut du front. Là. Il va avoir l'air d'un espèce de propagateur d'amour. Ah, on n'aime pas ça, hein? Ben, pas trop, non. Ben, surtout au début. À la fin, là, quand ça fait 25 ans, on aime bien ça. Ils me recolleront les oreilles toutes des deux côtés du visage, là, de la tête plutôt. OK, ben oui, le visage, la tête, c'est la même chose. Oui. C'est synonyme? Janine, c'est-tu synonyme? C'est synonyme. C'est ça. Aujourd'hui, le vendredi, elle ne sait même pas. Voyons donc. C'est inculte, sa femme-là. Ça a ouvert un livre une fois dans sa vie. C'était pour regarder un numéro de téléphone. Puis elle l'avait mis à l'envers. Elle l'a appelé en Chine. Ça lui a coûté 250 000 $ là. Puis c'est l'errance rénaldienne qui a payé pour ça. C'est pour ça, quand il fait des voyages à Paris, là, rencontrer ses acteurs, ses actrices. Il essaie de ne pas prendre trop d'alcoolique là-dedans parce que ça coûte cher à aller. C'est lui qui paye. Hein. Ils se disent, c'est son émetteur. Ben voyons donc, l'émetteur, non, c'est rénal. Oh, c'est rénal. Il est capable. Alors, s'il voit là, à travers les lignes, là, quelle ligne? Il n'y a pas encore un sniff. Non. Les lignes biographiques du chanteur, de la chanteuse, de l'acteur, de l'actrice, de l'artiste, qu'il y a un soubresaut, attention, un soubresaut d'alcoolisme. Il change de nom parce qu'il ne veut pas se ruiner. Tu sais comment c'est, hein? Ça commence. C'est la première qui est difficile. La première rencontre? Non, la première bière. Après ça, ça peut être du champagne. Hey, es-tu malade, le champagne, toi, là? Eu de la misère à prendre de l'eau minérale, à un prix classique. Quel est le prix classique? Bon, pas cher, OK. Ben, quoi que des bouteilles vides d'eau minérale, c'est pas cher. Oui, c'est, ouais, mais c'est pas très, très humide. Ah, c'est sec, c'est sec. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises. Heureusement que je suis pas asthmatique. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Y a-tu une cigarette? Donne-moi une cigarette, Chartreux. Donne-moi une cigarette. Je suis asthmatique, j'ai besoin de nicotine. Oh, ça fait du bien. Oh, la bonne nicotine. Je t'échauffe, non, c'est la nicotine. J'essaie de garder la... le goût boudron. As-tu le goudron? Le goupon? Le coupon? As-tu le coupon? Là, il y a du goudron. Ben, sur le coupon, il y a du goudron. Ah, laisse faire ça. Oublions les embarras. Family go. Family go. Okay, bref, appelons la dure réalité qui attaque notre quotidien. T'as-tu le crachoir, Germaine? Ah, crache-moi pas dessus. Non. Mais amène le crachoir un peu plus loin de ton corps, là, puis je risque de le faire, de l'envoyer en plein dedans. Je fais mouche. C'est pas ça, mouche? Non, OK. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous pour la dernière fois autour du musicien Mickey Blow. Mickey Blow a joué avec Johnny Thunders, les Stoners, Alain Bashung, Henry Padovani, Little Bob, Dead Sexy Inc., Chris Long, Steve Batters. Hey, ça va bien ce soir. Très, ça sort, là. De Sif, là, t'as trop parlé. De Chris Long, Steve Batters, de Fletch Tones, Elliot Murphy, Chris Bailey, Marie-France et Tony Allen. En juillet 2011, Errance Rénadienne rencontra avec joie ce grand musicien humaniste. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter? Oui, Reynald. Faut-il... Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Mademoiselle. Merci, mademoiselle. Je piège point, monsieur Grenier. Ben oui, on reconnaît plus. J'ai jamais... J'ai une complexité des sexes en 2011, 2012, 2013, 2014. Ça risque de s'empirer, hein. Comment les appellent, les demi? Les demi, c'est les trois quarts. Ah, oh, mon Dieu. Et en juillet 2011, non, c'est... C'est ça. cherche pas, ça roule. OK, on tourne. Ça tourne. 2011, Errance Rénadienne rencontra avec joie ce grand musicien humaniste. Un voyage chargé pour cette nuit estivale de David Bowie était quoi? Androgyne! C'est androgyne! Bingo! Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique? Non, c'est la musique. Nous enchanter. Oui! Come on, hit my mais parce qu'on t'imposait des choses. Ouais. Et toi, t'es un type moi, je ne suis anarchiste. Pas. Hein. Non, même pas. J'ai pas envie qu'on m'impose. J'ai pas envie d'imposer. Tu ne considères pas comme anarchiste? Non, non. Non, non. Pas du tout. Je suis juste un homme libre. OK. J'aime être avec des... J'aime faire des trucs, être là avec des gens que je sens libres. La liberté, c'est collectif. Parce que tout seul, libre, t'es dans la prison. Oui, oui, oui. Si t'es entouré de plein de gens qui sont libres, d'un seul coup, il se passe des choses, ça bouge. Non, attends, tu sens, il y a l'énergie, ça tourne. Mais il faut dire aussi que la création t'amène à ça, à la liberté. Voilà. Tu te cloues à rien, je veux dire, tu t'arrêtes à rien. Voilà. Tu t'ouvres l'esprit, tu t'ouvres l'âme. C'est ça qui est important. Quoi que tu fasses. Là, tu peux, je sais pas, même si tu fais un truc qui a l'air un peu, le mec qui est plombier ou ce que tu veux, s'il le fait bien, c'est vraiment le truc. Et surtout si c'est sa vie, si... Si le truc, ça l'éclate, c'est son truc. Le mec, ça va être un plombier irréel, le mec, il fera un truc génial et tout le monde sera content, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est ça, le truc. Essaye de sentir bien avec ce qu'on a, avec nos choix. Bien sûr. C'est une attitude à voir, c'est une manière de voir les choses, c'est une philosophie. Ah oui, de la vie. C'est après, tu places où tu veux, dans ce que tu fais ou ce que tu veux. Mais toi, cette philosophie-là, c'est mis en place à quelle époque? Ah, petit à petit, au fur et à mesure, mais c'est en Afrique que j'ai appris tout ça. Est-ce que c'est les coups durs qui t'ont fait apprécier... Est-ce que c'est les coups durs qui t'ont fait apprécier un peu la vie, un peu la... Non. Déjà, j'appréciais vraiment avant d'avoir des coups durs. As-tu eu beaucoup de coups durs dans ta vie? Parce que là, je cherche ma feuille de 10 questions. Ouais, j'ai eu pas mal de trucs. Là. OK. Tu sais, je me suis retrouvé en exil. OK. Ça, c'est pas mal. Oui, effectivement. C'est pas mal, coupé de tout. Ça, c'est... Volontairement? Non, justement, okay. j'ai pas choisi. Quoi. OK. Là, c'est vraiment l'exil. On t'a imposé. Ouais. OK. Disons qu'après, j'ai eu plein de trucs bien, mais bon, après, j'ai aussi ma compagne qui s'est suicidée, tu vois, des trucs comme ça. Hein, de ta femme, hein? Ouais. Parce que la vie, rock'n'roll, c'était trop compliqué. Ça, c'est dans les années 80? Ouais, 80, 90. Tu vois, bon, des trucs comme ça, quoi, ça te ramène à l'ordre. Et puis, ça a été quand même un choc épouvantable. C'est un truc terrifiant. Ça, c'est un truc que je souhaite à personne, c'est terrifiant. Ça te fait exploser la tête, quoi. Ouais. Bon, mais ça fait partie des... Faut le prendre. L'expérience de la vie. Ouais, c'est ça. C'est si tout en remet, bah tu repars. Faut s'en remettre. Faut soi-même. Faut aller chercher en soi. Ça t'oblige à refaire le nettoyage au fond de toi. Est-ce que c'est grâce aussi aux copains qui se sont alliés ou au contraire, les copains ont rien fait? Non, j'ai essayé de régler ça tout seul. Okay. Tout seul dans mon coin. Thank you. un enfant, on m'a fait un enfant. Un enfant to hang around, au fil de l'air c'est mon way. Un enfant to hang around, a freak out for another day. Un enfant, on m'a fait un enfant. Un enfant, on m'a fait un enfant. Un enfant to be alone, walking by myself. Un enfant to be alone, but in love with nobody else. Maybe go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, for no fun. We'll be right back. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son... Oui. Ça se passe maintenant, mon cher monsieur. Restez des nôtres. Vous sentirez l'improvisation surnager. Oh, c'était trop nager. Ah oui, c'est presque se noyer. Oh! À gros bouillon? Oui. La calotte nous fondra sans doute. Oh! Faut rester. Oui. Ben, j'espère que vous allez nous aider. À vous noyer? Oui. Oui, s'il vous plaît. Si vous êtes bien gentil, on va se laisser aller tranquillement. Oh! Dans le creux? Dans le très creux. De la connaissance. Oh, monsieur. Gaétan? Excusez-moi, est-ce que je peux parler à Gaétan? Oui, allez-y. Gaétan, c'est l'émission Errance Rénaldienne à CKRL. Bon. Oui, Errance Rénaldienne. Oui, c'est ça. Ben oui, ben non, c'est encore... Oui, c'est le vendredi. Ça se termine à... Bon, oui. Oui, c'est un insigne. Yes, ben oui. On lui laisse des chances. Ben, voyons. Il y a déjà par... On... Bon. Oui. Là, il... OK. Mais... C'est parce que les... Qui vous... OK. Mais... Oui, mais je crois qu'on est en onde. Alors, est-ce que... Peux-tu me laisser... OK. Bon. OK. Oui, mais... On vous... Il était... On... Bon. Ça sera pas long. Ouais. OK. C'est... Monsieur, vous êtes en... On fait l'émission. Oui, mais attendez, on va... Mais... Est-ce que je peux... On est dans un... C'est l'impro... Bukowski... L'alcool... Ben oui... Bukowski... Bon... Est-ce que tu veux me dire... Elle est bouchée... Laisse-la boucher! Prends pas de siphon! Bouche! Elle va caler... Laisse-la caler... Parle! Oui, Bukowski, apostrophe! Bon, les deux bouteilles... Bon, c'est ça! Mais je sais pas pourquoi je t'appelais, moi, là! OK, au revoir! Ouvrons-lui un petit coin de bord, vous êtes gentil, vous? Ah, merci! On me le dit régulièrement le soir, avant de dormir. Oh! Est-ce que l'autre dort? Ah non, c'est sans doute un message de son inconscient. Très petit. Ah, très nain. Tellement petit qu'elle-même, elle s'en rend pas compte. Ben voyons donc, toi. Ben oui, c'est du jamais bu. Laissons-le, en parlant de Bukowski, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Oui, attendez, c'est le temps, là. Bref, ce sont les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Il va tomber par terre. Êtes-vous assis, monsieur, parce que vous semblez tellement sceptique? Oui. Vous êtes sceptique, hein? Êtes-vous dans... Oui, mais étiez-vous comme ça à la naissance? Oui. OK. Et puis, depuis ce temps-là, ça ne s'est pas amélioré? Oui. Oh, OK. Vous êtes en pleine forme, vous? OK. Bon. Alors, la première phrase de Bukowski dans son recueil Contes et nouvelles, c'est « Quand j'ai sonné, il était à sa 7e ou 8e bière et j'ai été m'en prendre une dans le frigo. » Ben, pourquoi pas? Je voulais l'accompagner, hein? J'avais demandé à Gertrude, j'ai dit « Mets-y les 12 bouteilles de bière dans le frigo, il va passer au travers. » Parce que pour le record Guinness, le record Guinness, c'était... 12 bouteilles de bière en 45 secondes. Ouais, mais qu'est-ce qu'on avait fait? Ben, je tiens à vous mentionner, madame, mademoiselle, messieurs, pour pas appeler afin de faire une plainte, ce n'était pas de la bière. On avait effectivement mis 7 bouteilles, pas 7 doses. Ouais, excuse-moi, j'en ai perdu 6. 6 plus 7? 13. Bon, c'est pas 12. Non, mais j'en ai cassé une. Oh, il en reste 12. Ben oui. Alors, le but, OK, de ce travail, comment t'appelles ça? Raker Guinness. C'était merci de m'aider. Souffle, ma souffleuse, souffle! Elle aime ça. Ah, c'est là. J'ai trouvé la souffleuse, voilà, là. Elle était au coin de la rue, à côté de ses querelles. Au coin de la 3 puis de la 4. Je sais pas si vous connaissez un peu le quartier de Québec, la ville de Québec. Bon. C'est un peu comme New York. Ben, c'est pas un peu. C'est comme New York. Ça a été basé comme New York. Limoilou, c'est une paroisse. C'est un arrondissement. C'est un arrondissement. C'est une paroisse. C'est un quartier. Le quartier Limoilou. Et puis, il y a plusieurs quartiers. C'est comme des arrondissements. Bon. Mais en quartier. Comme la Lune. La Lune. Ben oui, le quartier de Lune. Ah, bon. J'ai jamais réfléchi à ça. Est-ce que je peux prendre quelques secondes pour rassembler mes neurones et essayer de voir l'éventualité de votre quartier de Lune? Oui, allez-y. Quartier de Lune, je sais pas. Quartier de Lune. J'ai réfléchi. Oui. À... ça m'arrive. Ça fait mal, hein? Moi, c'est la soupape qui lève. Ben oui. Moi, c'est le cheveu qui tombe. Ben oui, mais elle t'es pas collé en début d'émission. Ben non, j'ai la perruque. Oh, mon Dieu. Ça vous fait bien, M. Grenier. Merci, ça donne des chaleurs, hein? Non, ça, c'est l'andropause. Ben, de la perruque? Non, de la personne qui la porte. Ah, ben, c'est moi, ça. Ben oui. Alors donc, pour... arrête de dire ça. Je me suis dit, en 2012, on va arrêter de dire alors donc. Et premièrement, on a échoué. On a échoué, puis on s'en excuse infiniment. Alors, on va tenter de prier pour que ça ne se reproduise pas la semaine prochaine. Mais là, c'est parce que les 12 bouteilles, on les avait débouchées. On avait enlevé la bière pour remplacer ça par de l'eau minérale. Pas encore de l'eau minérale? De l'eau minérale. Et on avait mis 12 bouteilles de bière d'eau minérale parce que on avait remplacé le par l'eau, les minérales, dans le frigo pour le record Guinness. Oui, mais là, c'était quoi? Et le but du record Guinness, c'était de boire de la vraie bière. Mais comme nous, hein, on est des purs et on ne veut pas troubler la paix publique. Oui. Et l'intelligence publique. L'intelligence publique. Y en a-tu de l'intelligence publique? C'est vrai que quand on est à plusieurs, on dirait que le cerveau diminue. On dirait pas, il diminue. Ah, oh, mon Dieu. Oui, pourtant, je suis seul, puis mon cerveau diminue. Oui, mais toi, c'est tout à fait normal. T'es ta errance rénaldienne. Oh! C'est pas gentil, ça, hein? J'aime pas ça, moi, hein? On arrête ça, moi, hein? Non, non, c'est Léa. Léa? Léa. Léa Munger. Oh, la grande chanteuse qui reprend des chansons des petites paf! En parlant de paf, il y avait 12 bouteilles de bière qui avaient été remplacées par de l'eau minérale dans le frigo. Et là, je suis allé m'en chercher une. J'ai dit, on sait jamais si l'autre décide de tout casser les autres bouteilles. Il reste comment? Il y en a bu combien? Attendez, de 7 à 8. Bon, disons, il y en a bu 8. Là, moi, j'en prends une, donc ça fait 9. Il y en avait 12, donc combien il reste dans le frigo? Monsieur, attendez, avez-vous des cure-dents? Non. Avez-vous des papiers? Non. Avez-vous des crayons? Non. On n'a pas de tête. Non, on n'a rien. On n'a pas de micros? Non. On n'a pas de radios? Non. On n'a pas d'émissions? Non, non, non, non. C'est pas des... Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Mon Dieu. Nous sommes nus. Oh! Nus au soleil. Ah! Hey, le titre, attends, madame. Hey, énervez-vous pas, Brigitte, Brigitte. Brigitte, près de la fontaine, qui cherche les oiseaux ensanglantés. Elle qui prend la santé derrière les buissons et qui se dit qu'il fait bon se pardonner cette chanson. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, oh ma Brigitte, wah, wah, wah, wah, wah, wah, auprès de la fontaine, elle s'en allait se promener. Wah, wah, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, près de la fontaine. Je m'en allais promener sur de l'eau de vigne avec mes amis, avec Brigitte Lafontaine. Nous étions deux écrivains qui tentions de refaire la vie comme il se fait tard. Ce soir, comme à tous les soirs, nous regardions l'imaginaire. Moi, je puisais dans elle, elle puisait dans moi. Oui, nous faisions la file d'attente dans nos cerveaux respectifs. Ti, ti, ti, ti. Le soir, nous, en le cabane, vous qui sans, à voyer d'elle, vous qui cherchez les petits bouts dans les barres au chocolat. la vie qui vous emmène grâce au nougat, grâce... Eh bien, là, c'est le titre qu'on voulait savoir avant la chanson de Brigitte, et vous avez amené une belle musique. Bravo, M. Grenier, c'est un rappel. Mais non, on n'avait même pas... on savait même... on le sait maintenant. Le titre, c'est « L'araignée ». De fleurs blanches, les gratte-ciels dorés s'inclinent vers les branches, la vapeur azurée crachée par les moteurs fait rire et fait rêver près des parcs en chaleur. Cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, c'est cité. Des barbus impudiques au four la mue vert, joue les statues antiques montées sur des rollers, des assassins candides aux t-shirts maculés, aux braguettes splendides font craquer les PD. Cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, la poudre vanillée au fort piment de grise effleure les mosquées et les coupoles grises. Un grand jardin d'enfants qui font ce qui leur plaît côtoie des bâtiments où roule la monnaie. Four roses dans le nez, un black sur le trottoir, songe au milieu des pieds, blanc, jaune, rouge, noir. Cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, cité, c'est cité, cité, du printemps frais saoulant tout grouillant des greux, comme des chiens gourmands marquent la fin du deuil. Les cahiers, l'énorme messe aussi, et reine de beauté du continent maudit. Cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, c'est cité, cité, cité, cité, c'est cité. J'ai réussi. Parce que c'était mon problème. C'est mes problèmes, c'était à moi de les résoudre sans faire chier personne. Okay. Mais j'ai jamais arrêté de jouer. Ah, t'as toujours été... J'ai toujours joué. Et c'est ça qui t'a sauvé, sans doute. Ah bah attends, c'est... moi, si j'arrête de jouer, j'arrête de vivre. Donc... C'est pas compliqué. C'est simple. C'est simple. Et il y a des moments dans la vie où tu te fasses des coups durs, mais ça doit te comprendre l'affaire. Pour si tu veux continuer à jouer et jouer encore mieux... Eh ben, c'est qu'à ce moment-là, il faut que tu comprennes les trucs en toi, qu'il faut que tu fasses encore des nettoyages dans le fond. Ça fait partie du truc. Puis, si tu sais vraiment ce que tu veux, au fond de toi, si déjà tu sais ce que tu veux pas, tu y arrives. Il faut déjà savoir ce que tu veux pas aussi. C'est important. Tu es un des seuls artistes que j'ai rencontré avec autant de profondeur, autant d'ouverture, autant de liberté dans les mots et surtout dans la vision de la musique. Tu es vraiment l'image de ta musique. Ben oui, je crois, ouais. C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je sens les choses, c'est comme ça que je les fais. Quoi. C'est comme ça que je les ai apprises. Oui, mais c'est merveilleux. C'est surprenant. Des fois, les gens jouent le jeu d'euro, là. Ouais, c'est chiant. Ça, oui. Ça va 5 minutes quand t'as pas confiance en toi. Exactement. Puis après, c'est quand ben, tu là, sais le pas vidéo trop tombe. Qui tu es, toi. Tu es... Après, tu t'en fous. Oui, parce qu'on est dans un monde d'apparence, surtout. Ouais, puis mais bon, ça là, j'ai passé l'âge de ces conneries-là. Eh oui, mais parce que t'as compris. Ah bah, quand même, il serait temps, quoi. Mais il y en a qui comprendront jamais. Il serait temps, il serait temps. Non, mais il y en a qui comprennent jamais, quoi. Là, ça. Ça, c'est... Les cons, comme disait Brassens. Non, moi, je dirais, c'est des pauvres. OK. C'est des vrais pauvres. Intellectuels? Ouais, la pauvreté, c'est là que ça commence. Dans la tête? Ouais, c'est dans la tête. Ouais. C'est la misère, elle se passe dans la tête. Enfin, le mec qui est pas con, il peut venir d'où il veut, d'où il peut, il s'en sort. Et surtout le courage. S'il a du courage, s'il est pas con. Et la liberté aussi. Voilà. S'il a des bonnes valeurs, une bonne vision des gens, il n'a pas de haine, pas de rancœur, il n'est pas élevé là-dedans, dans l'angoisse et tout. Parce que tu peux venir d'un milieu très pauvre et être très très bien élevé. Effectivement. Et voilà, c'est pas... C'est pas social, ce genre de truc. Non. C'est individuel, c'est singulier. Voilà, c'est l'individu qui c'est est ça. Comme ça. Et la famille, les parents, c'est tout l'entourage. Un truc. Voilà. L'entourage. Et écoute, avant de nous quitter, j'ai 10 questions, mais qui peuvent nous amener très loin. Tu peux soit y réfléchir ou soit de répondre. Ouais, vas-y. Rapidement, alors vas-y. Tu te laisses aller. Hein, sens-toi libre et comme tu es un homme libre. Allez-y, êtes-vous prête? C'est un rubin, c'est une pompe aux dames, avec un bébé comme un marshmallow. Et si j'en pince pour ce qui pour programme, c'est qu'avec elle, j'ai pris le gros. Ah, quel suspense sur mon hippopotame. Avec un nez comme d'en face d'Imolo, les ressorts grincent sous l'hippopotame. Mais au-dessus, je me sens bien dans sa peau. C'est pas une mince affaire, cet hippopotame. Avec un nez comme d'en gigolo, quand elle me coince, mon hippopotame. Oh, oh, oh. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oh. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Comme l'a mentionné Jim Morrison, Errance Renadienne, c'est la mission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Oh, il a déjà dit ça, Jim Morrison. Allez voir dans les livres historiques. Allez le voir au cimetière du Père Lachaise, là. Il vous le dira. Si vous trouvez une carte d'Errance Renadienne, c'est la mienne. J'en laisse régulièrement. Qu'est-ce que tu voulais dire? J'en laisse régulièrement. Régulièrement. Oh! Alors, cette semaine et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons des habillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Discours. On peut pas le mettre à 11. Non, on voulait l'essayer à 9, mais c'était pas assez. On s'est dit... Plaçons-le sur le chiffre pair, un chiffre rond, un chiffre heureux, un chiffre prêt à partir dans tous les chemins de l'improvisation avec un discours. Ah, mon Dieu. Moi, j'en compte au moins 14. Chemin dans Errance Rénaldienne. Oui, mais il y en a avant tout. Il y a un large chemin, un éventail. Oh, mon dos! J'espère que c'est pas une girouette. Ça dépend du vent. La girouette? Ben oui. C'est là que tu peux savoir s'il vient du nord, s'il vient du sud, s'il vient de l'est, s'il vient de l'ouest, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Pas de girouette, aucune notion de ventilation. Ben, tu le sens, le vent? Oui, on le sent. Là. Quoique, ça dépend des odeurs. Et là, le discours, est-ce qu'on peut le sentir? Ben, on peut l'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ben, alors, est-ce qu'il y a un discours? Assez primitif, mais... Merci, madame. Non, c'est... OK, merci. D'accord. Mais à part de ça, le discours... Ben, le discours aime bien argumenter des réflexions et aussi s'entourer de mots. Soit des mots simples hein, pour atteindre une population générale ou plus recherchée pour professionnels. Exemple, je vais parler de ce que je connais. C'est-à-dire rien? C'est-à-dire rien. Non, le cinéma. Oh oui, cinéma. On peut parler, je l'ai dit régulièrement pour mes auditeurs fidèles. Oh! Mon auditeur fidèle, toi qui n'es pas castré. Par fidèle, fidèle Castro. J'espère qu'elle t'attrapera pas la gastro. Ouais, c'est beau ça, merci beaucoup. Ça vient de ta tête? Non, la gastro, ça vient pas de ma tête, OK? On veut pas savoir d'où ça vient, OK? Alors, qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais plus. Faudrait demander à Coulisse. Coulisse! Non, là, tu peux. Coulisse! Et pas là. On va chercher Coulisse! Bon, oh, la Coulisse! Coulisse, qu'est-ce qu'on disait? On était arrêtés, hein? Bon. Est-ce que tu peux nous souffler à l'oreille? Elle peut pas souffler, elle crie. Elle. Ça doit avoir un problème d'audition. On l'amènera jamais pour représenter un rôle. Comment ça? Ben oui, on appelle ça l'audition aussi. Ah oui, c'est vrai. Hey, dans les deux cas, c'est auditif. Mais visuel également, quand c'est du théâtre, là. Imagine-toi jouer Mozart. Gaétane. Oui. Mozart, c'est pas du théâtre. Mais quoi que, si tu veux relater la vie de Mozart. Ah, c'est vrai. Mais ça peut être musical, mais également scénique. Oh, mon. Sénile également? Sénile, oui, mais ça dépend qui joue, là. Moi, Rénal Gagné, je ne pourrais faire qu'un sénile de Mozart. Oh! Et de Molière également, et de tous les grands phénomènes classiques. Tiens, classique, je vois classique. Oui, parce que c'est de la musique. Veux-tu arrêter de ronronner en dessous, ma Gaétane? Elle joue après les pédales. Oh, elle va les perdre. Ah, elle les perd régulièrement, les pédales. Elle est connue pour ça dans le milieu. Oh! On l'appelle la pépé. Oh, la pépé d'Alousse. Oh! La pédale lousse. Je connais le film Pédale douce. Oui, mais elle, c'est la pédale lousse. Ça n'a aucun lien. Oh, un petit lien de rien. C'est en fait, ce qui retient les deux visions, c'est la pédale. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça en est une pédale? Oui, mais très lousse. Oh. Gaétane est une pédale? Oui. Ah oui, quand elle colle, elle colle pas à peu près. Au maximum d'elle-même, elle ne peut... comment dire, donc... Elle ne peut s'arrêter. Oh, elle est effrénée. Oui, elle ne connaît pas ça, elle, le juste milieu. Ben non, dans le milieu, on ne connaît pas ça, le juste milieu. Hey, c'est pas fou, ça. Comment on peut comprendre et surtout apprivoiser quelque chose qui peut se tenir dans le général quand le juste milieu n'existe pas? La généralité n'a pas sa place dans le milieu. Ben là, est-ce que c'est... oui, on y va. Mais Germaine, c'est l'émission de Rénal. Ouais. Est-ce que tu connais Rénal? Ouais. Bon, il y a du vent, beaucoup de vent. Êtes-vous en plein air, ma douce aimée? Ouais. Bon, tu manques pas d'oxygène, j'espère? Ouais. Elle manque d'oxygène. Est-ce que tu... je peux pas te faire le mûche à mûche, moi, là? Ouais. Oui, ben mon Dieu, t'as de l'imagination, hein? Ouais. OK, garde, ce qu'on va faire, là, pendant 5 secondes, dans ma tête puis dans ta tête, on va faire du mouche à mouche, OK? Ouais. T'es-tu prête? Ouais. Elle est prête. OK, on y va. Ouais. Ça va mieux? Ouais. Bon, hey, c'est fort les ondes, hein? C'est juste à radio qu'on peut faire ça, parce qu'à TV, ça fonctionne pas. Mais il y a le visuel. On a parlé du visuel, madame Mère. Oui, mais ça tient pas à grand-chose, le sonore. Non, le visuel. Oui. Godard disait... Oh, mon Dieu, amène-nous pas Godard. On veut rien savoir de Godard. Godard, le Godard, le Godard, le Godard, le Godard, le Godard. Regarde le Godard. Non, non. Godard disait... Oui, qu'est-ce qu'il disait? Que la télévision... Oh! C'est profond, ça. Non, non, il n'a pas fini. Il commençait par la télévision. Oh! Il finissait par... Par la télévision. Oh! Il commençait, puis il finissait par la télévision. Oui! Et entre ça, c'est de l'oubli. Bref, si je cite... J'en ai plus à dire des mots comme ça. Non, c'est des phrases. Des citations. Jean-Luc Godard mentionnait que la télévision créait l'oubli. Alors, je répète pour une dernière fois, la télévision créait l'oubli. Je ne m'en souviens plus. Ben, t'as oublié, hein? Oui, puis c'est de la radio. Non, ben ça, parce que t'as un petit problème, là. Oui, hein, tu l'as remarqué. Ben voyons, je remarque tout. Mais est-ce qu'on va placer le mot discours? Parce que depuis tout à l'heure, on en fait. Depuis des années, Rance Renadienne, c'est uniquement des discours, des fois décousus, souvent décousus. Quoique, on a Germel qui aime bien reprendre tous ses filaments idéologiques et ses liens métaphoriques pour en faire une émission des plus... étrange. Un liquide? Oui. L'eau. Oh, toi aussi? Mais comment ça, l'eau? C'est indispensable. C'est le seul liquide vraiment indispensable à la vie. Donc. L'eau. L'eau, c'est quand même énorme. si tu étais une ville? Une ville? Bangui. Ma ville. Bangui. Ah ouais. Si on veut la situer, c'est à quel endroit précisément? C'est sur l'équateur, c'est la capitale de la République centrafricaine. OK. Voilà, c'est sur le Lubangui, le fleuve Lubangui. Et tu as beaucoup de nostalgie et beaucoup de tristesse. C'est ma ville. Oui, mais tu as beaucoup de tristesse de ce que ouais, c'est devenu. Oui, parce que, ouais, c'est gâché. C'est gâché, c'est triste. Est-ce que c'est, oui, mais quand tu dis c'est gâché, est-ce que c'est gâché à Lévis ou c'est gâché pour le moment? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Pourquoi les gens ne s'exilent pas? Pourquoi, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent? C'est compliqué là-bas. C'est un pays qui est très riche. Il y a de l'uranium, c'est les réserves d'uranium de la France. Il y a du diamant, de l'or, du cuivre, de l'ivoire, des bois précieux. Et c'est entouré de pays qui n'arrêtent pas d'être en bordel, comme le Tchad, le Soudan, le Zaïre, même le Congo, le Brazzaville. Ils sont exploités, bref. Et c'est le bordel tout le temps. Et c'est un pays qui est coincé, quoi, qui n'a pas de voie. La seule voie, grande voie de communication vers l'extérieur, c'est le fleuve. C'est un pays qui a toujours été très fragile. Et là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il n'y a plus de gestion. C'est la guerre civile partout. Avec tout ce que ça peut comporter comme horreur. C'est l'horreur. T'as des trucs. Moi, on m'a rapporté des trucs, ne serait-ce qu'en brousse. T'as les mecs, ils braconnent même plus au fusil, au kalachnikov. T'as les éléphants, ils les braconnent au lance-roquettes. Et les troupeaux d'antilopes, ils les déciment à la mitrailleuse, à la doucette. Il y a des fois, il y avait des milliers d'antilopes, il n'y en a plus. Toute la vie, elle disparaît. C'est la mort en permanence, tout le monde s'entretue, les gens s'entretuent, pour rien. C'est n'importe quoi, c'est le chaos. C'est l'enfer. C'est fini, quoi. C'est un pays qui est fini. Il n'y a plus d'agriculture, parce que tu ne peux pas avoir de l'agriculture dans ces conditions-là. Tu ne peux pas avoir d'élevage. Tu peux pas avoir d'industrie, même petites industries locales. Le commerce, c'est le merdier. Qu'est-ce que tu veux? Un pays s'en sort comme ça. Il n'y a plus rien. Quand tu n'as plus ces structures-là, c'est dramatique. Ça devient... Voilà. Si par hasard, un jour tu revenais, dans ce pays où nous nous sommes aimés, même si c'est avec un nouvel amour, souviens-toi de ton premier amour. Si nos chemins devaient se rencontrer, ne pense plus que je t'ai fait pleurer. Je t'en prie, ne prends pas cet air amer. Souviens-toi de ton premier amour. On a gâché tout ça parce qu'on ne savait pas que notre amour en valait la peine. Ce n'est pas ma faute à moi, mais pardonne-moi quand même, comme je te pardonne moi-même. Moi tu le vois, je n'ai pas oublié, je n'avais pas compris que je t'aimais. Je ne l'ai pas su, mais je le saurai toujours. Oh, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi. Souviens-toi. scratching his face like a bone. He pulls you back, circa 1981. He pulls you back. You are, you are shining some glory. You are, you are, you are shining some glory on me. Je ne vis que pour toi. Oui! Effectivement, derrière l'adage se cache une autre vérité, une clé clandestine qui nous fera entrer dans une seconde zone de l'interprétation, une dimension cachée par les médias formatés. À présent, choisissons comme expression « Qui vivra, verra ». Une chanson de Doris Day. Non, c'est D. D. Quel D? Moi, si je tire les deux dés en même temps, oui. Moi, je retire un 12. Ah, mon Dieu. Moi, si je fouille dans ma poche, là, je vais sortir deux dés. deux dés. Ben, vas-y, sors-les. Ah, mon Dieu. Je t'ai sors, voilà. Voilà la surprise, je te sors un dé. Alors, vas-y, tourne. Je tourne les dés. C'était quoi l'adage, non? Vas-y, redis-le, arrête de tourner. Qui vivra, verra? Ah oui, Doris Day! Qui a popularisé. Qui sera, sera, the way there will be, I want them all together, together, together. To toaster, toaster, to loser, loser. Plus loser que ça, mon petit Doris. Non, Doris Day, c'est une femme. Ah ben, mon Dieu. Elle a joué dans un film de Fred Hitchcock. Oh, oh, oh! Et c'est là-dessus que la chanson a été popularisée. Oh! Avez-vous le titre du film de Fred Hitchcock? Non. Ça, c'est le frère à Iggy Pop, Freddy Pop. Oh, on n'a jamais su ça. Ben non. Il y a bien des gens là, dans notre société qui s'imaginent tout connaître. Là. Et, moi, le cinéma, j'ai eu des études à l'université, j'ai lu des bouquins, puis je connais Freddy Pop. Non, c'est Freddy Pop. Freddy Pop. J'ai jamais appris ça, que c'était le frère de Iggy Pop. Ben voyons. Son frère était caché par le grand Alfred. Ah! C'est pour ça qu'il enlevait ses vêtements. Ben, ouais, il voulait être vu, le pauvre Iggy. Son frère Alfred. Qui le frère? Ben, le frère Alfred. Ah, le frère Alfred. Oui, Alfred Hitchcock. Non, c'est... hey, tu te manques? Oui, je me manque. Moi, là, je te dis que je me manquerai pas, moi. Alfred, oui. Alfred Hitchcock, oui. Le frère, arrête de le dire, on le sait. Ben, c'est pour ça qu'il se déshabille. Ben, voyons, as-tu autre chose à nous dire? Ben oui, qui c'est Ross, c'est Ross. C'est certain que qui vivra verra. Ça, j'espère que tu viens pas d'arriver dénudé. Non, je ne sors pas de la douche. OK. Ni de... Bon, OK. Parce que moi, je suis né nu. Oh! C'est un des rares à voir le jour nu, nous. Effectivement, mais j'ai pas peur de le dire et j'ai rencontré des spécialistes. OK. Quels spécialistes? Des psychologues, oui. Qui m'ont dit que c'était pas normal. OK. Ils m'ont dit de les revoir la semaine prochaine. Oui. Je les ai revus la semaine prochaine. Oui. Ils m'ont dit d'aller les revoir la semaine suivante. Oui. Je les ai suivis l'autre semaine. OK. Puis là, le chemin m'a amené à des mois et des mois, des années, comme Woody Garland. Non, c'est Woody Allen. Oui, le réalisateur new-yorkais, là. Oui, c'est Woody Allen. Bien, ce gars-là... Ce gars-là, vous n'avez pas entendu, hein? Non, on a éternué. On a fermé le micro. Il y a tellement de poussière ici. On est dans une grotte. La grotte de l'errance. Ah, oh, mon Dieu! C'est mieux la grotte que... Oui, c'est ben, on est plus confortable. Ça sent moins. Oui, oui. Et puis donc, on était avec Alfred Hip-Hop. Mais non, on parlait de l'autre. Que sera, sera. Ah, je m'en rappelais presque plus. Bon, et puis là, ça va mieux. Ben oui, c'est ça. Alors donc... De ticologue à ticologue, hein, d'année en année, comme Woody Allen, grosse bedaine, Woody grosse bedaine, le réalisateur de cinéma là, qui a fait Annie Hall, puis qui a fait aussi Anna et ses sœurs, et Marie et femme, ensuite Man. Une cigarette, s'il vous plaît. Une après l'autre, s'il vous plaît. Parce que moi, je suis un gros fumeur. Deux paquets, ouais, deux paquets dans la bouche. 50 cigarettes. Allume-moi ça, allume-moi ça. On dirait une torche. Eh hey, ben, c'est toi, hein. Ouais, je me mets sur les tantôt. Ça, c'est de la nicotine. Regarde-moi, c'est de la nicotine. Regarde, ça coule, la nicotine. J'aime ça. Bois ça, maman, je mange ça. Je bois ça, mais ça. Je mets un verre en dessous, ça dégouline. Je rebois ma nicotine. Oh, ça fait du bien. Bon, c'est, tu vas faire du death metal. Moi, tu sens le métalleux en moi. Ah, mon. Surtout le pédaleux. Oh, oh, oh. Les doigts jaunes. Ah, le toupet jaune. Ah, les doigts jaunes. Ah, la betterave jaune. Ah, j'avais. Oui, toi aussi, ta betterave, la vessie jaune. Ah, je suis tellement jaune que même mon urine est jaune. Ah, tu fumes trop. Quand ton urine devient jaune, arrête-moi ça. Il faudrait que ça soit rouge, hein? Ouais, rouge sang, là, c'est al dente, comme disait mon médecin. Eh, monsieur, quel médecin, qu'est-ce que c'est ça? C'est un vétérinaire, hein? Je n'ai pas pu trouver mon médecin de famille. Ah, il était perdu dans la mer de Siméry. Puis, ah, avec Alfred Hitchpop et Guy Pop. Sur une île méserte, oh, dans le nombril du monde. Ah, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des poissons. Oh, et surtout, qu'est-ce que j'allais. Une anguille souterraine. Ah, comment il s'appelait? Rénal l'Airain. Oh, l'Airain rénaldien. L'Airain rénaldien. Sous l'eau. Sous la guédille. Ah, il se faisait jouer ça. Ah, c'est pas vrai. Ils l'ont pêché. C'est un méchant poisson, ça. Un méchant poisson. On l'aime de même. Ah, ben, il paraît. Hein. Il faut bien le garder. Il n'y en a pas d'autres. Quoique, on a brisé le moule la semaine dernière hein, avec Rita Biblou. On l'a cassé en deux. Puis qu'est-ce qu'il y avait en dedans? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était du néant. Du néant. Néant vertant. And what costume shall the poor girl wear? From who knows where to all tomorrow's parties, and where will she go, and what shall she do when midnight comes around? She turned once more. Sunday's cloud and cry behind the door. Yesterday's gone to all tomorrow's parties. What will she do with Thursday's rags when Monday comes around? She turned once more to Sunday's clown and cried behind the door. Une langue. Oh, le sango, je sais pas. Ouais. OK. Ouais. Encore toujours les racines. Ouais, j'y tiens beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dévoiler quelques aspects, quelques sonorités? Je ne parle plus beaucoup de ça. OK. T'es, en 40 ans, j'ai vachement perdu. Ah, c'est bon. Alors, je mets du temps à écrire un texte en sango, mais j'ai des camarades... qui vont s'occuper ces temps-ci de me réapprendre leur filet des cours. OK, pour te traduire aussi, peut-être. Ouais, je m'en sorte un peu mieux. Si tu étais une époque. Une époque? Ouais, d'accord. Okay. L'époque, les années 60. Pourquoi? Tous les rêves étaient possibles. Quoi. Et aujourd'hui? Sarkozy en est pour quelque chose? C'est rien, c'est un parmi tant d'autres. Mais qui a commencé la galère? Oh, c'est un ensemble, hein. C'est un ensemble. Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui a commencé le bordel. C'est tout le monde s'y est mis un peu. Hein. C'est peut-être la globalisation? Ouais, c'est le monde qui est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Tu vois, à partir du moment où l'homme a été sur la Lune... C'est là que ça a tout bousillé. Bah, ça... Nous sommes grands, nous sommes supérieurs à tout. Ouais, ça a donné un drôle de truc bizarre. Ah oui. Alors, ça a été la plus grosse gaffe d'aller sur la Lune? Non, ça aurait pu être bien, c'est bien, mais j'ai trouvé ça fascinant. Ça dépend comment tu peux assimiler ça et vivre avec. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien, quoi. Sans déconner, je trouvais ça vachement bien. Mais tu te souviens à quel endroit tu étais? Ah oui, absolument. Okay. Bah oui. Ah ouais, je me rappelle de la soirée. Étais-tu devant ton poste? J'avais pas la télé, je l'écoutais à la radio. OK. France Inter, quelle radio? Ouais, c'était Radio France Internationale. OK, RFI. Ouais, et c'était en Afrique. C'était à Bangui. J'étais chez mes voisins, chez mon cousin qui habitait à côté. Et il y avait juste la lumière dans la case, quoi. Avec nos postes qui transmettaient le truc à fond. Et nous, on était dehors. On regardait le ciel. C'est merveilleux, hein. La nuit était magnifique. Est-ce qu'il y avait un son de grillon? Ben oui. Merveilleux. Si tu étais un mot. Un mot? Ah, je sais pas. Un mot. Oula. Encore. Encore. C'est pas mal ça. One more, encore. Voilà. Si tu étais un aliment. Un aliment. Je sais pas. Un fruit peut-être. Fruit défendu? Non, non, non, tout à fait autorisé, au contraire. Lequel? Je sais pas, un truc comme la goyave, parce que j'adore les goyaves. Ok. Ah, c'est un fruit un peu plus recherché que la. Ouais, mais. C'est bien. Power to the people. ça arrête comme ça. Ben oui, Gaétan. Oh mon Dieu. Hey, est-ce qu'on peut dire que l'errance rénaldienne est terminée pour cette nuit? Ah, c'est triste. Oui, mais la semaine prochaine, on se retrouve avec Chloé Mons. Oh, l'actrice, la chanteuse, la femme de feu Alain Bachougne qui viendra nous présenter son nouvel album, ses projets, qui nous racontera sa vie. Oh, c'est palpitant. Très palpitant, avez-vous hâte? Ah, moi, là, je jubile dans mon jupon. Oh, continuez à jubiler dans votre jupon. C'était Rénal Gagné. Vous pouvez communiquer avec nous, c'est très simple. Vous prenez votre clavier, vous allez sur Hotmail et vous rentrez renaldquebec@hotmail.com. Vous m'écrivez une belle lettre, vous pressez sur envoyer et je recevrai votre missive. Vous pouvez visiter le site de l'errance rénaldienne pour savoir le site internet. C'est très simple. Vous allez sur goggle.fr, vous entrez errance rénaldienne. Le premier errant, c'est moi. Vous y trouverez les vidéos des émissions. Celle que vous entendez présentement sera là en ligne demain avec la bande originale, la bande audio et tout ce qui s'est passé pendant cette étrange rencontre de 120 minutes. La stratégie que nous utilisons ici à Errance Rénaldienne, ben, c'est toute une stratégie. Le FBI est là-dessus. C'est vrai. Le FBI, la police de Québec, SWAT. SWAT, on s'en balance. SWAT, on s'en balance, oui. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, ben, au revoir, tourlou, restez heureux et surtout vivants. Si vous ne savez plus comment faire, soyez zen. Jusqu'à la semaine prochaine. 7 de dos de Zénith. Oh, c'est 1.0 vers l'infini. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'était Rénal Gagné. Bye-bye. Chloé Mons, la semaine prochaine. Merci, on merci. Que ça gronde sans agiter ses ailes. Voici le nouveau monde des combattants virtuels. Welcome sur le forum de révolution.com. De l'action par email, des pavés en pixels. La souris se déplace, elle se bouge à ta place. L'oxygène en stock, et puis changer le monde sans changer d'univers. L'international piégé dans la toile, c'est quoi l'action par email? Des molotovs en cocktail, la souris se déplace, elle se bouge à ta place. été une saison? Une saison? Ben, je serais l'été. Ici, maintenant? Voilà. Sans problème. 3 juillet? Sans problème. Sur la Burkamp? Ouais, c'est l'été forever. Okay, l'été forever, oui, c'est ça, exactement. Si tu étais un membre corporel? Une main. Une main? C'est quelque chose de fabuleux, la main. Ouais. Pour écrire, pour jouer? Pour tout faire. Pour tout faire? Tout faire. La main et... La main, c'est un truc... les trucs les plus fascinants qui puissent exister. Ouais. Ouais. Si tu étais un moment de la journée? Au moment de la journée, j'aime bien le crépuscule. OK. Pour la... C'est entre deux. OK. Ça t'amène... T'as déjà toute la journée, et t'as la nuit qui va commencer. OK. Et c'est là que tout peut se passer, la voilà. nuit. Voilà. Tout s'est déjà passé, tout peut encore se passer. C'est crois-tu moment... que la nuit, c'est vraiment une ouverture vers quelque chose... C'est différent, c'est un autre monde. C'est un monde que t'aimes? Ben, j'adore. J'adore la nuit, j'adore le jour, j'adore tout le temps, en fait. C'est différent. Donc, plus t'en as... Mais t'es pas un gars du matin. Hein? Et tu es un garçon? Non, le matin, c'est moyen. Eh ben voilà, c'est ça. C'est dur à démarrer. J'aime bien la matinée, mais je connais pas bien ce OK, mais c'est pas ton meilleur. Si tu étais un autre individu... Hein? Si tu étais un autre individu... Un autre individu... Il y a un mec qui m'a fait flasher, c'est un chef de chasse des pygmées. Un chef de chasse pygmées. Pygmées. Ouais, Babinga. Tu voudrais être un chef de chasse pygmées. Ouais. Et j'ai une question 2011 qui, depuis le début, a foiré, donc peut-être que toi, tu vas la ressusciter. Quelle folie tu voudrais exécuter à mon émission? Quelle folie? Il faut que ce soit audio, hein? Même si tu marches sur la tête, là, à la Godard, ça fonctionne pas. Ouais, ouais, non, non. Jouer tout seul une chanson que j'ai pas répétée. Jouer tout seul une chanson que j'ai pas répétée. Voilà. Ouais, OK. Ben, ce serait peut-être un des pires trucs à faire. Surtout de le faire partager aux auditeurs. Voilà, ça peut être douloureux aussi, un créateur qui est devant sa guitare et qui gratte. Et là, tu fais « Oh merde, pourquoi? » Pourquoi il y a des gens qui écoutent? Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Oui, j'ai ouvert ma grande gueule pour dire... Voilà. Comment je m'en sors, putain? Exactement. Hey, merci d'être passé à mon émission. C'est un véritable plaisir. Et surtout, écoute, tu es la liberté à deux pattes. J'essaye. Oui, mais t'es un homme pur. Donc, je suis heureux d'avoir rencontré quelqu'un qui est lui-même, qui est heureux en pleine ouverture vers le monde. Ah ouais, moi, je suis heureux de vivre. Oui, mais ça se voit et ça s'entend. Ça s'entend. Et on te souhaite de venir nous amener l'énergie que tu me propulses à Québec. Dès que c'est possible. Il n'y a aucun problème. J'arrive. Et j'attends ton album solo avec grand plaisir. Bon. OK. Merci, mon ami. Et puis, à la prochaine. Eh bien, à bientôt. À bientôt, oui. Allez. Oui. Salut. Yo. Bye. Où veux-tu que je t'aime? Si je joue les sentinelles, que faire de mes sentiments? Si tu aimes à temps partiel, que vais-je faire le reste du temps? Je vais pointer mensuel. Je ne suis que l'intermittent, un de plus parmi tes amants. Dans ce monde de courant d'air, j'aimerais tellement m'y faire. Dans ce monde de courant d'air, où veux-tu que je t'aime? Caresser la cour des grands, passer juste une nuit entière, ne plus rester sur le banc. Ah, où veux-tu que je sème? Si la terre est sans ride, que faire de toutes ces graines? Si le champ n'est pas libre. J'ai du mal à m'y faire, au régime sensuel, difficile de se taire. to the beach. Not enough water, you can't open the window. There's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything is pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave the place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, I want to go back on Earth and live with. Much, much stronger. It's like a tragedy. You're grounded on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on the bed, do you get the picture? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.